franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, la catastrophe de Furiani, le 5 mai 1992. Furiani, 24 ans déjà depuis cette soirée du printemps 92, qui a vu un match de football de haut niveau se transformer en drame lorsqu'à quelques minutes du coup d'envoi, une tribune du stade s'est effondrée et a plongé la Corse en plein chaos. Aujourd'hui encore, les plaies et l'émotion restent vives autour de cet épisode qui a coûté la vie à 18 personnes et en a blessé un peu plus de 2300 autres. Page parmi les plus sombres de l'histoire du football européen avec la tragédie du Heysel 5 ans plus tôt, le nom de Furiani demeure associé à un traumatisme insurmontable pour ses victimes et ses témoins. Car malgré les années qui ont passé, personne n'a oublié les images de cette catastrophe. Cette chute dans le vide de cette tribune qui disparaît, s'écroule comme un château de cartes, puis ces scènes d'horreur et d'évacuation. Avec elle, il y a aussi ces grincements métalliques qui précèdent un déchirement brutal de tôle. Enfin, il y a cette odeur que tant de personnes ont décrite, ce soir-là, comme un mélange âcre de fumée, de sang et d'éther. Ici à Radio France, personne non plus n'a oublié cette nuit du 5 mai 1992. Ce soir-là, en effet, parmi les victimes de Furiani, deux collaborateurs de la Maison Ronde, Michel Vivarelli et Michel Mottier, y ont laissé la vie. Notre invité aujourd'hui en duplex d'Aubenas en Ardèche, c'est l'actuel directeur des sports de Radio France, Jacques Vendroux, qui était lui aussi à Furiani le soir du 5 mai 92 et qui a échappé de peu à la mort. D'ailleurs, il fut sérieusement blessé. Dans son dernier ouvrage, intitulé « Amoureux foot », paru cette année aux éditions Calmann-Lévy et Radio France, il revient sur cet épisode qui l'a profondément marqué. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Carat avec le soutien des documentalistes de Radio France et de l'INA. Attaché de production Emmanuel Fournier, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Michel Bézikian. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Stade Armand Cesari, commune de Furiani, adossée à la ville de Bastia, mercredi 5 mai 1992, il est 20h. Dans les tribunes, le public gronde, l'ambiance est à la fête. Assis à leur place, les 18 000 spectateurs attendent avec enthousiasme la rencontre qui va débuter dans quelques minutes. Depuis plusieurs jours, on ne parle que de ça en Corse. Et ce soir, c'est enfin le grand soir. C'est une demi-finale de Coupe de France entre le Sporting Club de Bastia, équipe de seconde division, et Marseille, l'ogre de la première division, le champion de France en titre. Tous les supporters bastiais rêvent d'un exploit, décrocher un billet pour la grande finale à Paris. Sur la pelouse, on aperçoit les joueurs des deux équipes qui s'échauffent, balle au pied. D'un côté, il y a les superstars de Marseille avec leur maillot bleu fluo que porte l'attaquant vedette Jean-Pierre Papin, le défenseur Basile Boli qui un an plus tard marquera le but de la victoire marseillaise en Coupe d'Europe contre le Milan AC. Il y a aussi le gardien de but Pascal Olmeta, le Corse de l'OM, ou encore le jeune milieu de terrain Didier Deschamps dont on connaît la suite glorieuse de la carrière. Pourtant, devant Bastia, l'entraîneur de l'OM, Raymond Goethals, ne veut prendre aucun risque. Et il aligne ce soir son 11 type, le même qu'en Coupe d'Europe. Une décision qui, bien sûr, ravit le public et les commentateurs. De l'autre côté du terrain, on distingue les joueurs de l'équipe de Bastia avec leur maillot bleu foncé à rayures blanches. Ils se sont rassemblés à l'écart, près des buts. René Xbraya, leur coach, donne ses dernières consignes d'avant-match. « Allez, donnez-vous sur tous les ballons, pas un seul espace, soyez forts au marquage », répète-t-il. Le capitaine Bastier, Antoine Di Fraya, et ses coéquipiers le savent, les 90 prochaines minutes s'annoncent difficiles. Pourtant, avec le soutien du public, ils veulent croire en leur chance, ils veulent envoyer Bastia et toute la Corse au Parc des Princes. Au centre du terrain, l'arbitre du match, Joël Quignoux, prend le pouls de la rencontre. Il regarde sa montre, il est tout juste 20h15. Lui aussi ressent la tension qui règne ce soir dans le stade. Les chants corses, repris en chœur par le public, donnent à Furiani l'image d'une arène où 22 footballeurs combattant d'un soir s'apprêtent à défier l'équipe star. Ici et là, dans les tribunes, les esprits s'échauffent. Des supporters lancent des projectiles sur la pelouse. D'autres arborent des banderoles un peu menaçantes. Conscients de l'état d'excitation ambiant, deux hommes en costume et cravate traversent au même moment le terrain. L'un montre du doigt les tribunes, il s'agit du président du club Bastier, Jean-François Philippi. Ce dernier est très fier de présenter à son homologue de l'OM, Bernard Tapie, les aménagements réalisés en l'espace de 12 jours pour accueillir la rencontre, et tout particulièrement cette nouvelle tribune nord. Lorsqu'ils sont arrivés au stade en fin d'après-midi, les supporters corses ont découvert cette nouvelle et flamboyante structure métallique qui fera office de tribune pour la rencontre, une sorte de strapontin géant pour accueillir plus de spectateurs qu'à l'accoutumée. L'édifice, aux airs de mécanos géants, est sorti de terre en quelques jours. Vu de loin depuis la route, la nouvelle tribune nord impressionne. Aussi longue que le terrain et aussi haute qu'un immeuble de 6 étages, elle permet de doubler le nombre de places assises dans le stade. Mais lorsqu'on la regarde de près, derrière le grillage des parkings, on devient sceptique. Les tiges et autres poutres métalliques qui servent de soutien semblent bien frêles pour résister au poids des 9500 personnes qui vont s'y installer. Un sentiment renforcé par la présence, 2 heures avant le coup d'envoi, de techniciens qui consolident la structure en métal comme ils peuvent avec les moyens du bord. Malgré l'inquiétude de certains, l'excitation des autres l'emporte à l'approche du coup d'envoi. À l'arrivée des joueurs sur la pelouse, les gens se lèvent, chantent, crient et oublient le danger qui est pourtant là, juste sous leurs pieds. Au même moment, toutes les caméras de télé se tournent vers le terrain, toutes, sauf une, celle d'un journaliste de France 3 qui enregistre avec le bruit ambiant une conversation préoccupante entre une spectatrice et un pompier volontaire au pied justement de la tribune nord. Le premier à s'exprimer, le pompier, il explique qu'il a alerté la sécurité, mais que personne ne veut l'entendre. Quelques minutes plus tard, alertés par les pompiers, 2 représentants de la Fédération française de football viennent inspecter à leur tour les fondations de l'édifice. Lorsqu'ils repartent, on lit sur leur visage une certaine anxiété. Et pour cause, ce qu'ils viennent de découvrir pose question. Au milieu de ce labyrinthe de tubes qui fait office de fondation, des écrous de la tribune commencent à sauter. Des cales en bois, juste des cales en bois, cèdent, et certaines pièces de l'armature métallique pendent dans le vide. Un grand panneau s'est même effondré, blessant un technicien quelques minutes auparavant. Alors, doit-on évacuer la tribune à seulement 10 minutes du coup d'envoi? Se demandent les représentants de la fédération. Vu l'hystérie ambiante, cela donnerait lieu à des affrontements entre groupes de supporters bastiais et marseillais. On décide donc de ne pas évacuer, mais on demande à Jean-Paul Paoli, le speaker, d'adresser un message aux supporters de la tribune nord. Tout ne tapez pas les pieds sur la partie en fer. Pour des raisons de sécurité, partie en bois, ok, mais pas la partie en fer. Il est 20h19, l'air est chaud, le temps est sec, nous sommes en Corse. Les conditions sont idéales pour disputer un match de foot. Mais au même moment, la rumeur sur l'état de la tribune nord commence à faire le tour du stade. Certains spectateurs demandent à changer de place, car disent-ils, ça bouge trop en haut. Pris dans l'enjeu de la rencontre, d'autres n'y prêtent pas attention et attendent de pied ferme le début de la rencontre. De leur côté, les joueurs des 2 équipes retournent au vestiaire pour se changer. Perchés au dernier rang, tout en haut de la tribune nord, les journalistes, eux, sont assis les uns à côté des autres, adossés au vide, une simple planche de bois faisant office de pupitre. Parmi eux, on reconnaît Jean-Marie Lanoë de l'équipe, Philippe Broussard du journal Le Monde, Claude Fassano accompagné de Jean-Paul Delhomme pour le journal La Marseillaise, Hervé Béroux de RTL, Vincent Alix pour RMC, Mario Albano du Provençal, Gilles Verdez du Parisien, et puis les inséparables Thierry Roland et Jean-Michel Larquet pour TF1. Au bout, casque d'écoute sur la tête, cigarette à la main, l'une des grandes voix de Radio France, Jacques Vendroux. Celui-ci s'apprête à faire l'ouverture du journal de France Info, lorsque soudain... Il est 20h23, lorsqu'un fracas indescriptible frappe le stade Furiani. La scène est filmée par un spectateur sur son caméscope. Quelques instants plus tard, les joueurs et le staff des 2 équipes sortent de leur vestiaire en courant. Ils traversent le tunnel qui donne sur la pelouse. Et là, d'abord aveuglés par la lumière des projecteurs, ils constatent que les gens crient, qu'ils quittent leur siège et qu'en face d'eux, une partie de la tribune nord a disparu. Oui, elle vient de s'effondrer. Derrière ce qui reste de la structure, au niveau du parking, on assiste à un spectacle d'horreur. Des enchevêtrements de poutrelles tordues, de sièges disloqués, de corps brisés. Dans ce chaos, des blessés appellent à l'aide, d'autres gémissent, certains ne bougent plus. Très vite, dans un grand élan de solidarité, supporters corses et marseillais se précipitent au secours des victimes. Le contraste est saisissant quand on sait que quelques minutes plus tôt, ces mêmes hommes s'invectivaient, se provoquaient en tribune. Désormais, chacun s'active pour aider et porter secours. À quelques mètres de là, un groupe de plusieurs hommes arrache le grillage pour permettre aux CRS de venir évacuer les premiers blessés. À la hâte, on décide de les transporter au centre du terrain. Là, les médecins des deux équipes prodiguent avec des moyens illusoires les premiers gestes de secours. Une équipe de la Croix-Rouge tente de trier les dizaines et dizaines de victimes qui s'accumulent. Les minutes s'écoulent, elles semblent durer des heures. Sur la pelouse, le nombre de corps allongés les uns à côté des autres augmente inexorablement. Faute de mieux, on en recouvre certains avec des drapeaux de supporters ou des morceaux de banderoles. Prévenus par radio de la catastrophe, les pompiers et le SAMU tentent de rejoindre le stade par la seule route disponible, mais elle est complètement bouchée par des centaines de voitures de spectateurs qui, eux, tentent de fuir le stade. Il faut près de 30 minutes au véhicule d'urgence pour se frayer un chemin, arriver sur place et prendre conscience de l'ampleur du drame. Sur Antenne 2, le journaliste Claude Sampère en donne un bref aperçu. La fête du football ce soir à Bastia vient de basculer dans l'horreur. Il y a quelques minutes, cette grande tribune qui a été installée dans la précipitation ces derniers jours, c'est une tribune avec 10 000 places supplémentaires. Et à 10 minutes du coup d'envoi, cette tribune, une partie de cette tribune vient de s'effondrer. Pour le moment, vous l'entendez peut-être, le plan rouge a été déclenché, le SAMU est sur place, les secours interviennent. Il est impossible de dire pour le moment combien de personnes se trouvent actuellement blessées ou décédées. En tous les cas, c'est vraiment l'horreur qui vient de se passer ici il y a quelques minutes. À 21h30, les secours s'organisent. Les grands projecteurs perchés en haut des tours métalliques éclairent une pelouse qui ressemble désormais à un hôpital de campagne. Sur la partie droite, on balise une piste d'atterrissage provisoire pour les hélicoptères. Sur la gauche, on trie les blessés en attendant leur évacuation. Malgré des efforts venus de toute la Corse, les secours sont débordés. Heureusement, ils peuvent compter sur le soutien de centaines de volontaires, d'anonymes, de spectateurs qui viennent leur prêter main forte. Au même moment, derrière la tribune nord, les équipes médicalisées du SAMU et des pompiers tentent de désincarcérer et d'extraire certaines personnes encore prisonnières des débris métalliques de la structure. Allongés à même le sol, certains, encore conscients, racontent ce qu'ils ont vécu. J'ai entendu un grand bruit et puis je me suis vu descendre, ça a duré une éternité. Et puis après, j'ai senti le choc et des violentes douleurs au dos. C'était l'enchevêtrement de la ferraille, ça fait beaucoup de bruit, c'était la panique, des gens qui criaient, etc. Voilà. Dans le ciel au-dessus de Furiani, des hélicoptères rouges de la sécurité civile se rapprochent et se posent au centre du terrain. Puis ils redécollent, emmenant des blessés. Toujours présent sur place, Bernard Tapie, assisté du sénateur-maire de Marseille, Robert Vigouroux, et du ministre des PTT, Émile Zuccarelli, dont les capacités de réaction font ce soir-là l'unanimité, coordonne une partie des opérations de secours et sollicite l'assistance du ministre de l'Intérieur, Paul Quilès, mais aussi du ministre de la Défense, Pierre Joxe, pour que ce dernier mette à disposition des moyens aéroportés conséquents afin d'acheminer les équipes et moyens de secours et de transporter davantage de personnes vers les hôpitaux. Une demi-heure plus tard, un premier hélicoptère Super Puma de l'armée de l'air se pose sur la pelouse de Furiani. On y décharge du matériel médical, des brancards, des médicaments, des systèmes de perfusion, des couvertures de survie. Puis c'est un autre appareil, encore plus gros, celui-là, un super frelon d'aéronaval, qui dépose quelques minutes plus tard des médecins et des infirmiers militaires. Sur place, tous les membres des unités de secours s'activent pour mettre une place, un couloir d'évacuation aérien vers l'hôpital de Bastia, lorsqu'on apprend par radio que l'établissement complètement saturé ne peut recevoir davantage de blessés. Alors, dans l'urgence, décision est prise de transporter ceux qui attendent encore vers l'aéroport de Bastia-Porretta, où le terminal des départs se transforme en centre de tri du SAMU. Sur la piste, des avions de transport médicalisés venus de toute la France se posent et prennent en charge certains blessés pour les ramener sur le continent dans les hôpitaux de Nice, Cannes, Toulon, Marseille, où la correspondante de France Inter, Marie-Christine Loriol, fait le point au milieu de la nuit. Avions et hélicoptères se sont succédés toute la nuit entre la Corse et l'aéroport de Marseille-Provence où les ambulances et autres véhicules sanitaires des marins-pompiers assurent le relais pour acheminer les victimes de cette catastrophe vers les hôpitaux de la ville. Depuis 1h du matin, c'est en effet le plan rouge qui a été déclenché par la préfecture des Bouches-du-Rhône. Une antenne du SAMU est installée dans le hall de l'aérogare pour accueillir les blessés et les diriger, selon la gravité des cas et la nature des blessures, vers les différents hôpitaux de l'assistance publique. Cette nuit, 7 blessés graves ont été opérés à Marseille, tous des polytraumatisés crâniens. Le super frelon de l'aéronaval est attendu d'un instant à l'autre sur l'aéroport de Marseille-Provence. À son bord, les médecins du bataillon des marins-pompiers qui escortent 8 personnes très grièvement atteintes et qui seront rapidement acheminées vers le service de neurochirurgie de l'hôpital de la Timone. Annoncée également une caravelle transportant 20 blessés assis ainsi qu'un Airbus contenant 130 passagers plus légèrement atteints. 3 avions de supporters marseillais étaient arrivés entre minuit et 3 heures du matin, mais sans blessés à déplorer. À 4h30 du matin, le dernier hélicoptère de la sécurité civile redécolle de Furiani, embarquant avec lui les derniers blessés. À bord de l'appareil, qui s'élève désormais dans le ciel noir au-dessus de la Corse, on aperçoit les lumières rouges et bleues des véhicules de secours stationnés autour du stade de Furiani. Puis l'hélicoptère s'éloigne, les points bleus et rouges disparaissent. À ce moment-là, spectateurs, officiels, joueurs, tout le monde est sous le choc. Mais personne n'imagine l'ampleur réelle et le bilan humain de cette tragédie. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby. We'll be right back. bonjour. 16 morts, 650 blessés, dont 70 dans un état grave. Ce fut le drame hier soir dans le vieux stade de Bastia. Une tribune provisoire s'est effondrée avant la rencontre de demi-finale de coupe contre l'OM. 16 morts, 70 blessés graves et le bilan n'est encore que provisoire. Alors on s'interroge, qui est responsable? Les supporters tapaient des pieds sur la tribune, mais celle-ci était-elle suffisamment solide? Tout avait-il été correctement prévu? À la Fédération française de football, on affirme que oui. Le plan rouge a été déclenché, les blessés ont été évacués dans les hôpitaux corses. Les plus sérieusement atteints ont rejoint la Timone à Marseille. Une commission d'enquête est pratiquement en place. Une information judiciaire est lancée. Sur place, Paul Quilès, le ministre de l'Intérieur, ainsi que Bernard Kouchner, le ministre de la Santé. Bastia est en état de choc. Beaucoup de familles s'interrogent encore sur le sort de l'un des leurs. France Inter. À l'hôpital de Bastia, le lendemain matin, plusieurs centaines de personnes accourent pour s'enquérir des nouvelles d'un proche, d'une amie, d'un membre de la famille. Car tout le monde sur l'île, à quelques rares exceptions près, connaît quelqu'un qui était au stade la veille. Les informations officielles arrivent au compte-gouttes et elles sont parfois contradictoires. Pour pallier cet afflux massif de blessés, dont certains luttent toujours contre la mort, l'hôpital de Bastia a doublé ses capacités d'accueil et du personnel médical venu de toute l'île a été appelé en renfort. Dans les étages, les couloirs se transforment en salles de soins ambulantes, les lits des patients sont alignés les uns derrière les autres, faute de mieux. Par terre, traînent des vêtements déchirés et ensanglantés. On trouve aussi les petites cartes jaunes avec leur élastique accroché par les secours la veille autour des poignets ou du cou des blessés dans le stade, avant l'évacuation. À quelques mètres de là, dans la chambre 312, l'un des deux envoyés spéciaux de France Inter, Christophe Ondelat, découvre le visage tuméfié d'une personne qu'il connaît tellement bien. Cet homme, c'est Jacques Vendroux, journaliste au service des sports de France Inter, le monsieur football de la chaîne. La veille, il allait commenter la rencontre, installé sur la tribune nord. Victime de l'effondrement, il raconte. Quand je me suis fait partir, et quand je suis arrivé par terre, la première chose que j'ai faite, c'est de toucher mes jambes. Savoir si je pouvais encore remuer mes doigts de pied et mes doigts des mains, c'est-à-dire les extrémités. Puis quand j'ai vu que je pouvais toucher tout ça, à la limite, ben, je sais pas que j'étais heureux, mais je savais que ça allait un peu mieux. Je veux dire que c'était. Et puis après, bon, ça a été. C'était le début d'un long moment douloureux. Enfin, je crois qu'il faut pas s'étendre là-dessus parce qu'il y en a qui sont morts, il y en a qui sont gravement blessés. Il y en a qui seront infirmes pour le restant de leur jour. Bon, moi, je m'en sors super bien. J'ai 4 côtes de cassées. J'ai du sang dans les poumons. J'ai le côté droit du visage ouvert et mort cousu ce matin. J'ai des douleurs dans l'axe de la colonne vertébrale, mais elle n'est pas cassée. J'ai des douleurs partout, et je peux pas bouger. Un peu plus loin, le chef du service de chirurgie orthopédique de l'hôpital explique aux journalistes que la majorité des patients, environ 500 arrivés ici au cours de la nuit, souffrent de fractures des membres et du bassin dues à la chute, bien sûr. Selon les chirurgiens, leur pronostic vital n'est pas engagé, mais il existe un grand risque de handicap pour plus d'une centaine d'autres personnes. Celles-là sont en effet victimes de lésions neurologiques et de lésions à la colonne vertébrale. En milieu d'après-midi, le président de la République, François Mitterrand, arrive en Corse. Il se rend à l'hôpital de Bastia, accompagné par le préfet, pour apporter son soutien aux familles des victimes et aux victimes. L'émotion est très forte. À peine arrivé, le chef de l'État est interpellé par un homme désespéré. Du sang dans toute la France! Que ça se reproduise plus! Que ça se reproduise plus! Que ça se reproduise! Quatre heures après la catastrophe, le premier bilan provisoire fait état de 8 morts et de plus de 900 blessés. Un chiffre encore loin de la réalité et qui ne va cesser de croître au fil des jours. De leur côté, les familles des victimes tentent toujours de savoir si l'un de leurs proches est toujours en vie ou hospitalisé dans un établissement du continent. L'incertitude en ajoute à l'angoisse qui règne sur l'île. Et déjà, les premières voix s'élèvent et interrogent. Mais enfin, Comment une telle catastrophe a-t-elle pu se produire? Mais pour l'instant, c'est le temps du deuil. Aujourd'hui, on enterre Michel Vivarelli, professeur de physique au lycée Jeanne d'Arc. Mardi soir, il assurait le commentaire du match pour la radio locale RCFM. Ce matin, ses élèves étaient tous là. Une rose, on la met sur le cercueil en souvenir de Monsieur Vivarelli, c'est tout. C'est dramatique, c'est tout. Moi, je suis désolée, maman. Comme c'était un professeur qui était estimé de tous ses élèves, nous n'avons pas eu cours aujourd'hui et hier. Cet après-midi, une chapelle ardente sera installée à l'église Saint-Jean sur le Vieux-Port pour permettre aux habitants de Bastia de rendre hommage aux victimes. Au même moment, alors qu'un peu partout en Corse on célèbre des messes en hommage aux victimes de Furiani, une seule et même question revient avec insistance. Qui est responsable de ce drame ? La réponse n'est pas simple, d'autant que toutes les parties impliquées dans ce dossier, à savoir le club de football de Bastia et son président Jean-François Philippi, la Fédération française de football, la commission de sécurité ainsi que la société Sud Tribune, celle-là même qui a fait les travaux d'aménagement, se rejettent la faute. C'est pas moi, c'est lui. Interpellé à l'Assemblée, le ministre de l'Intérieur, Paul Quiles, annonce la création de deux commissions d'enquête pour faire toute la lumière sur les événements de Furiani. En Corse, enquêteurs et gendarmes, assistés d'un collège d'experts, tentent de déterminer l'enchaînement précis des faits qui ont conduit au désastre. Et très vite, ils tirent une série de constats édifiants. Le premier d'entre eux laisse entrevoir un pari insensé. Entre la prise de décision d'aménagement de la tribune et le jour du match, il ne s'est écoulé que 12 jours pour acheminer et assembler les éléments d'une tribune longue de 125 mètres, haute de 15 et qui devait accueillir 9500 personnes. 12 jours quand, en temps normal, il faut au minimum un mois. Grâce à de nombreux témoignages, les gendarmes découvrent également que l'ancienne tribune nord qu'on a démolie pour y implanter cette nouvelle tribune métallique, tout cela a été réalisé sans permis et sans l'aval des autorités. C'est le président du club de Bastia, Jean-François Philippi, qui a décidé de raser la tribune préexistante pour y faire installer la tribune éphémère. L'opération se serait déroulée en pleine nuit. Autre point que relèvent les enquêteurs. Les tubulures utilisées pour le tiers supérieur de la tribune, celui-là même qui s'est effondré, ne sont pas les mêmes que celles du reste de la structure. Les matériaux utilisés sont très clairement de qualité inférieure. En outre, on constate avec effarement que malgré la présence d'un sol sablonneux, l'édifice était posé sur de simples parpaings ou des morceaux de bois. Sur place, les enquêteurs retrouvent également du matériel d'échafaudage d'employés ordinaires pour le ravalement des façades et qui a servi à terminer la tribune à la hâte. Avec les nombreux témoignages qu'ils recueillent, les enquêteurs savent désormais que le soir du drame, les diagonales de maintien obligatoires pour fixer ce genre de structure n'étaient pas installées. Autrement dit, du début jusqu'à la fin, les règles les plus élémentaires de construction, d'organisation et de sécurité ont été bafouées. Enfin, il y a la lettre d'un expert indépendant, Jacques Merville. Celui-ci avait alerté l'État par courrier quelques jours auparavant, avant la catastrophe, en précisant que, selon lui, la tribune ne pouvait supporter tout au plus que 200 kilos au mètre carré. Quand on sait que les normes minimales de sécurité à respecter sont de 700 kilos, eh bien cela se passe de commentaires, tout simplement. Le danger avait donc été signalé, mais personne dans l'administration n'avait réagi, ni la préfecture, ni la mairie de Bastia. Dans les jours qui suivent, perquisitions et auditions s'enchaînent. Et très vite, on découvre dans les médias le visage et le nom de celui qui sera considéré par la suite comme le coupable dans cette affaire. L'homme qui vient de passer sa première nuit en prison est le chef de chantier. C'est lui qui a supervisé la construction de la tribune. Il avait sous ses ordres une vingtaine d'ouvriers. Jean-Marie Boimont, 39 ans, est un cadre de la société Sud Tribune, une entreprise installée près de Nice. Le juge d'instruction, Jean-Pierre Rousseau, considère donc cette société comme la première responsable de la catastrophe. Mais il est à peu près certain que le juge ne va pas en rester là. Le magistrat s'intéresse de très près en particulier au contrat qu'avait négocié la société Sud Tribune et le Sporting Club de Bastia. Un contrat surprenant, uniquement verbal, sans engagement écrit. Jean-Marie Boismont est un homme de base, sa responsabilité est engagée, mais il n'est pas le seul dans cette affaire. Trois jours après le drame, l'enquête progresse vite, les 30 enquêteurs mobilisés procèdent à de nombreuses auditions et l'on s'attend à d'autres inculpations. Bastia, Mathieu Aron, France Inter. Jean-Marie Boismont, le même homme que celui qui a érigé les tribunes pour les JO d'hiver d'Albertville, a-t-il été négligent cette fois ? Connaissait-il les risques ? Deux semaines après la catastrophe, la commission d'enquête, présidée par Jean-Pierre Lemoyne, rend un rapport accablant pour l'ingénieur de site Tribune. Je cite. « En ce qui concerne l'effondrement de Furiani, il n'y a eu aucune fatalité. Une tribune construite dans de telles conditions ne pouvait que s'effondrer. » Dans son rapport d'expertise, la commission conclut, je cite encore, « Fondation bricolée, personnel non qualifié, règles élémentaires non respectées. Dans cette affaire, on peut au mieux parler de négligence, au pire d'une très grande irresponsabilité. » À l'annonce des résultats de l'enquête, de nombreux Bastiais se réunissent autour des décombres de la tribune nord du stade Furiani. Face à la caméra de France 2, certains expriment leur tristesse, d'autres crient leur colère. Pourquoi vous êtes revenu aujourd'hui ? Pour me dire comment je vais faire pour me sortir de là. Le pire, c'est les gens qui s'en sortent pas. C'est tout ça. Quand on peut pas jouer un match dans 8 jours, on le joue même dans 15 jours, mais putain, qu'ils mettent quelque chose, des tribunes, qu'ils mettent pas de la merde, de la ferraille. Un quart d'heure, trois quarts d'heure avant le match, on a vu deux hommes de la sécurité locale qui étaient là et qui regardaient, qui disaient oui, effectivement, ça bouge, ça risque même de tomber, il y en a qui risquent de passer à travers, et oui, et puis ils sont partis. C'est ça la commission de sécurité locale ? Eh ben chapeau, bravo, hein ! Il faut voir une chose, c'est que si petit à petit, tous les ans, la France faisait un petit truc, la France faisait un petit effort pour le sport en Corse, ne serait-ce qu'au niveau du Sporting, et puis après au niveau pour Ajaccio, tout ça, comme on fait de partout ailleurs en France, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Trois ans plus tard, le 4 janvier 1995, s'ouvre au tribunal de grande instance de Bastia le grand procès que toute la Corse attend. Celui des irresponsables, comme le titre la presse. Pour l'occasion, les mesures de sécurité sont exceptionnelles. Jean-Marie Boismont, le responsable des travaux de la Tribune Nord et principal accusé dans cette affaire, arrive au palais de justice, gilet pare-balles sur le torse, escorté par des membres du JEPN. Dehors, les rues alentours sont fermées à la circulation. Près de 300 policiers patrouillent, des tireurs d'élite sont installés sur les toits. Dans la salle d'audience, derrière une épaisse vitre à l'épreuve des balles, installée spécialement pour l'occasion, il y a 13 prévenus. Il devait être 14. Mais quelques jours avant l'ouverture de ce procès, le président du club de football de Bastia, Jean-François Philippi, lui aussi cité à comparaître, a été assassiné devant son domicile par un commando de tueur. Avec lui, disparaît à jamais une part de la vérité. Dans les jours qui suivent, l'ouverture des débats, appelés à témoigner sous serment, la plupart des prévenus reconnaissent de graves manquements aux règles de sécurité. À la barre, toujours, Jean-Marie Boismont finit par admettre que la tribune, sa tribune, était mal construite. Mais alors, si vous saviez qu'elle était mal construite, rétorque le procureur, pourquoi n'avez-vous pas arrêté les travaux ? Boismont ne répond pas. Pendant 4 semaines, dans la salle d'audience, les familles meurtries des victimes assistent au procès de la négligence. Mais à qui cela profite-t-il ? S'interroge le procureur. Surgit alors le spectre de l'argent et de l'enrichissement. En effet, on sait que le club de Bastia était très endetté au moment des faits. Alors, ce match était-il avant tout l'occasion de remplir les caisses avec des places vendues souvent 10 fois plus chères que la normale et une tribune construite au rabais ? Les débats plutôt évasifs sur cette question ne permettent pas de le prouver. Toujours est-il qu'au moment du jugement, l'ensemble des peines prononcées semble bien faible par rapport à l'ampleur du drame, en tout cas vis-à-vis des victimes dont certaines sont désormais clouées sur un fauteuil roulant pour le restant de leur vie. Jean-Marie Boismont, considéré comme le principal responsable de cette catastrophe, écope de la plus lourde peine, 2 ans de prison ferme, tout comme le chef de la commission de sécurité, la Socotec, qui avait expertisé la tribune avant le début du match. Le tribunal prononce également des peines avec sursis de 18 mois contre l'ancien vice-président du club de Bastia, instigateur d'un faux procès-verbal. 12 mois avec sursis également pour deux responsables de la Fédération française de football, tout comme pour le directeur du cabinet du préfet, et enfin 6 mois pour le directeur départemental de l'équipement. Les familles crient à l'injustice et regrettent que la question de l'argent sous-jacente dans toute cette affaire n'ait pas été assez évoquée durant les audiences. Une injustice d'autant plus grande que moins d'un an plus tard, en appel, seul Jean-Marie Boismont sera finalement condamné à de la prison ferme. Après 3 ans et demi d'enquête et de procédure, la justice clôt le dossier Furiani. Mais le souvenir de cette soirée du 5 mai 1992 reste définitivement ancré dans chacune des mémoires des 2357 blessés, dans celles de leurs familles et celles de leurs proches. Tels furent les dégâts dramatiques d'une négligence humaine d'autant plus révoltante qu'une négligence, par définition, est synonyme de drame qu'on aurait pu éviter. Oh, Father, tell me. Do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down, we go, go, go, go, go. And we're down, we go, go, go, go, go. So we're Sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la catastrophe de Furiani, le 5 mai 1992. Notre invité, c'est donc Jacques Vendroux, directeur des sports, ici même à Radio France. Bonjour Jacques. Bonjour. Vous êtes en duplex des bureaux de notre correspondant à Aubenas, en Ardèche, Pierre-Jean Cluny, que nous saluons et que nous remercions pour son accueil. Il est peut-être à côté de vous d'ailleurs. Vous étiez dans la tribune nord de Furiani, donc, au moment de son effondrement. Vous avez été sérieusement blessé. Et vous revenez sur cet épisode dans votre dernier livre intitulé « Amoureux foot », publié aux éditions Calmann-Lévy en partenariat avec Radio France. Jacques, il y a 2 ans, lorsque nous discutions ici dans les bureaux de France Inter, je vous avais fait part de mon projet, enfin de notre projet, le projet de l'équipe d'Affaires Sensibles, de faire un numéro justement sur cette catastrophe de Furiani. Et je vous avais dit, Jacques, est-ce que tu peux venir nous en parler? Et c'était difficile pour vous à l'époque, et puis vous avez écrit un livre finalement et vous avez décidé d'en parler. Vous sentiez le besoin d'en parler un jour. Comment ça s'est passé, le déclic? Le déclic, j'ai été surtout très encouragé par mes enfants. Clémentine et Baptiste, qui m'ont souvent encouragé à parler justement de ce drame, parce que de toute façon, à un moment ou à un autre, il fallait forcément exorciser, je veux dire, ces démons de Bastia, de Furiani. Moi, je viens d'écouter l'émission, ça m'a rappelé évidemment des souvenirs, je veux dire, épouvantables, mais de toute façon, on peut tourner le problème dans tous les sens. Vous êtes victime, vous êtes associé à un drame comme celui de Furiani. C'est pas la peine de tourner autour du pot. Je veux dire, vous y pensez tous les jours. Tous les jours, il y a quelque chose qui vous rappelle, je veux dire, cette histoire de Furiani, la chute de la tribune, parce que c'est vrai, vous l'avez signalé, nous étions tout en haut avec mes confrères, dont 2 ont disparu. Après, vous avez vécu l'aventure, entre guillemets, de l'hôpital de Bastia, le rapatriement sur Paris, à la Salpêtrière, etc. Donc, quoi qu'il arrive, vous voyez une ambulance, vous voyez un handicapé physique, vous voyez quelqu'un qui est en difficulté sur le plan de la santé, eh bien, sans arrêt, ça vous ramène, je veux dire, à Furiani, même si, entre Furiani et aujourd'hui, j'ai eu la chance, ou la malchance, je veux dire, d'avoir d'autres accidents où je m'en suis toujours bien sorti. Je veux dire, Furiani revient toujours en priorité. Vous voyez, là, récemment, j'ai eu un accident. Je veux dire, bon, c'est une fracture du fémur, c'est pas très grave. Eh bien, vous revivez tout ce que vous avez vécu à l'hôpital, à Furiani, au stade, etc. C'est un souvenir qui vous marquera, quoi qu'il arrive, à vie. Alors, il y en a qui vous disent, mais non, il faut oublier, il faut parler avec des psys, il faut passer à autre chose. C'est pas vrai. On ne peut pas passer à autre chose. Parce que c'est la chose la plus grave qui m'est arrivée dans ma vie. Les séquelles dont vous parlez sont donc morales, mentales, hein, pas physiques. Complètement. D'accord. Je vais profiter pour signaler à nos auditeurs l'existence d'un ouvrage dont vous connaissez personnellement les auteurs, hein, sur lesquels nous nous sommes appuyés d'ailleurs pour construire le récit. Il s'agit du livre intitulé 5 mai 92, Furiani 20 ans après, réalisé par un groupe de journalistes de la section Provence de l'UJSF, c'est l'Union des journalistes sportifs, hein, c'est ça. Oui. Dans ce livre, nos confrères relatent les faits, recueillent les témoignages de victimes, de joueurs, des familles, des personnes disparues. Alors notons que l'intégralité des bénéfices de cet ouvrage a financé l'achat de lits pour les hôpitaux de Marseille et de Corse. C'est une belle initiative de journalistes pour la mémoire et pour la solidarité. Alors évidemment, quand vous arrivez ce 5 mai 92, Jacques, à Furiani, c'est l'ambiance classique d'une demi-finale de Coupe de France. L'affiche est belle, elle est passionnelle en plus, entre 2 équipes du Sud. Et puis alors, vous vous installez en haut, on vous installe tout en haut de la tribune. Et est-ce que vous avez des suspicions, vous, à ce moment-là? Il faut que je sois très très honnête depuis 24 ans. Je suis monté dans cette tribune sans aucun a priori. C'est-à-dire que nous étions tout en haut, tout en haut, tout en haut. Il était 20h23, j'étais effectivement avec le technicien Michel Mottier. On devait faire ce qu'on appelle, dans notre jargon, l'ouverture du journal de 20h30 de France Info. Et jamais, jamais, j'ai senti quoi que ce soit. Parce que très honnêtement, si j'avais senti quelque chose, je serais redescendu immédiatement. Donc il ne faut pas que je mente, il ne faut pas que je me tourne un film, il ne faut pas que je me raconte des histoires. Je suis monté sur cette tribune en immense confiance. Alors, il y a peut-être l'insouciance de la jeunesse, il y a peut-être l'excitation de voir ce match entre Marseille et Bastia qui vous fait oublier peut-être quelques tremblements quand je monte dans la tribune. Mais ça serait très, très malhonnête de ma part de dire oui, je me doutais, la tribune n'était pas très solide. C'est pas vrai, je m'en suis quasiment jamais aperçu. D'ailleurs, vous n'avez aucune espèce de responsabilité là-dedans, puisqu'évidemment, on est journaliste sportif, on monte sur une tribune pour faire son boulot, point barre. Si j'ose m'exprimer ainsi. Oui, mais il n'y a pas de responsabilité quand vous dites « faut que je sois honnête ». Non, mais il faut que je sois honnête dans la mesure où j'ai tellement entendu tout et n'importe quoi depuis 23 ans. Mmh. Je veux dire, un certain nombre de personnes qui étaient dans la tribune ont déclaré d'ailleurs à la télé ou à la radio en disant « Mais moi j'ai vu que ces tribunes bougeaient, j'ai vu que ces tribunes n'étaient pas costauds. » Ok, d'accord, bah à ce moment-là tu montes pas et tu te plains pas après. Mmh. Je veux dire, moi je suis monté avec beaucoup de sérénité. Oui, j'ai fait mon boulot, mais j'ai fait mon devoir. Je veux dire, moi je suis payé par Radio France pour les commentaires match de football. Je monte, si j'ai un état d'âme ou si j'ai un doute, évidemment, je le redescends tout de suite avec, avec Michel Mottier. Et je profite d'ailleurs de cette émission parce que régulièrement, nous pensons aux 18 personnes qui ont disparu. Nous pensons aux 2300 blessés qui, malheureusement, certains d'entre eux sont paraplégiques ou tétraplégiques depuis l'accident. 24 ans, Je veux dire, on pense souvent à eux et je veux dire, ça fait partie de notre vie, de mon parcours et malheureusement je dois vivre avec ça, je dois l'accepter en moi-même. Et quand vous rentrez dans un stade, même encore maintenant, vous y pensez, mais je veux dire, vous y pensez et puis vous passez à autre chose parce que vous avez la passion de votre métier et la passion de commenter le match qui va se dérouler dans quelques minutes. Alors, au moment où la tribune s'effondre et au moment où vous vous réveillez à l'hôpital La Furiani, qu'est-ce qui vous reste comme souvenir clair ? Je n'ai pas de souvenir clair, c'est-à-dire qu'il est 20h23, la tribune tombe, je tombe, tous ceux qui sont à ma droite, les 7 à ma droite, les 7 à ma gauche, je crois savoir, eh bien, sont tous morts. Moi, je suis vivant, je ne sais pas pourquoi. Des études ont été faites, etc., par certains spécialistes en disant que j'ai été assommé par une partie de la tribune et donc je suis tombé, je sais pas moi, une vingtaine de mètres plus bas, et bien complètement désarticulé, c'est ce qui m'a sauvé. Le seul souvenir que j'ai, c'est que je suis allongé, je vois arriver Jean-Michel Larquet qui vient prendre de mes nouvelles, il voit que je parle pas, il voit que je bouge, c'était pour moi le plus important, et beaucoup de personnes, je veux dire, m'ont reconnu, ils m'ont dit « mais qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ?» etc. Et puis je leur ai répondu « surtout, vous occupez de rien ». Ils vont venir me chercher, ils sont venus me chercher, ils m'ont amené à l'hôpital, et le seul souvenir que j'ai, et qui restera de toute façon la chose la plus importante de ma vie dans ce drame, même si je suis resté à l'hôpital très longtemps, même si j'ai eu beaucoup de rééducation pendant près de 2 ans, c'est que dans un lit à côté, il y avait un motard qui avait eu un accident très grave de moto, et puis il était en train de me regarder, il me dit, avec son accent corse merveilleux, il m'a dit « qu'est-ce que tu veux ?» Et je lui ai dit « je voudrais de l'eau », et il m'a apporté de l'eau, et c'est le seul fait réel dont je me souvienne à l'hôpital de Bastia. Bon, après, vous avez plein de souvenirs. Je veux dire, quand vous rentrez en avion médicalisé, quand vous faites opérer à plusieurs reprises par des génies de la médecine qui sont Gérard Saillant, Éric Rolland, etc., Jean-Pierre Fraioli, qui se sont occupés merveilleusement bien de moi. Mais je veux dire, moi, je m'en suis sorti et c'est pour ça que j'ai toujours refusé d'en parler. Moi, je m'en suis sorti, j'ai pu rejouer au football, j'ai pu commenter des matchs de football, j'ai pu retourner sur les stades, etc. Donc moi, je dois être très, très discret. J'ai participé à l'émission d'aujourd'hui parce que j'avais envie de le faire. Mes enfants voulaient absolument que j'y participe. Et puis, j'avais aussi envie de rendre hommage à Radio France qui a toujours été hyper fidèle, réglo et tout près de moi dans ces drames que j'ai vécu depuis déjà plus de 50 ans. Notre maison. Hein. Alors, on va écouter la voix de quelqu'un que vous connaissez, Jacques Vendroux. Il s'agit de Jean-Pierre Paoli. C'était le speaker à Furiani le soir de la catastrophe. On a entendu sa voix dans le récit, hein, lorsqu'il met en garde les spectateurs de ne pas taper des pieds sur la partie en bois des tribunes. 48 heures après la catastrophe, il répond aux questions des journalistes d'Antenne 2 et vous allez l'entendre. Là, je m'adresse plutôt aux auditeurs, parce que vous connaissez, vous, Jacques Vendroux. Vous allez entendre ses propos, ils sont stupéfiants. Un groupe de pom-pom girls, ensuite il y a eu des petites danseuses, des enfants. Il y avait un groupe folklorique corse prévu, Tiamia Dialès, qui devait chanter, qui a d'ailleurs chanté. Et donc, j'avais un timing un petit peu élastique. Et il y avait beaucoup de public. Oui, le public rentrait. Mmh. Bon enfant, les drapeaux, c'était salé. Et un monsieur venu me voir sur la pelouse, vous dire qui il était, Qui c'était cet homme qui est venu vous prévenir ? Je pense que c'était un monsieur de la sécurité ou de la sécurité civile, mais pas un membre du staff de Bastia. Pas un membre du staff de Bastia, ça vous en êtes sûr ? Non, j'en suis certain. Et alors, il est venu à quel moment ? Et d'abord, qu'est-ce qu'il vous a demandé ? Voilà, il m'a dit, est-ce que vous, M. Pavlidis, pouvez dire au public qui se trouve à la tribune nord, c'est-à-dire celle-ci, la grande, la nouvelle, de ne pas taper des pieds. Et il vous a dit pourquoi ? Oui, il m'a dit parce que il y a quelques instants, il y a une petite tôle qui s'est décrochée sous cette tribune. Il m'a bien dit une petite tôle. Et elle est tombée sur quelqu'un à qui il a fallu mettre quelques points de suture. J'ai dit, ah bon, oui, il m'a dit, non, mais il n'y a rien de grave, simplement demandez-leur de ne pas taper des pieds. C'était à quelle heure, ça ? Difficile de vous le dire. Je pense que ça devait être entre 19 et 19h15. C'est-à-dire plus d'une heure avant le match. Ah oui. Déjà, on s'inquiétait pour la sécurité. Jacques Vendroux, s'il y a des gens qui ont le droit d'être en colère, c'est bien les victimes, hein, dont vous, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça vous inspire, les confessions de Jean-Pierre Paoli ? Ben, ce qui m'inspire en ce qui concerne les conversations, vous l'avez dit, enfin l'interview qui a été réalisée avec Jean-Pierre Paoli, qui était l'un des speakers de Bastia, mais qui est également le speaker du Stade de France, c'est que de toute façon, il y a des responsabilités. Et les responsabilités, je veux dire, il faut les assumer. Mais honnêtement, là aussi, je veux dire, moi je n'ai pas vécu avec un esprit de revanche, je n'ai pas vécu avec, ils vont être punis, ils vont aller en prison, ils vont avoir de gros ennuis, ils vont avoir des amendes incroyables, etc. Moi je ne pouvais pas m'occuper de ça, c'est-à-dire que j'ai zappé tout ce qui s'est passé en ce qui concerne la justice, parce que mon seul souci quand vous êtes dans ce genre de situation, c'est de vous sauver, c'est d'essayer de retrouver votre intégrité physique, c'est d'essayer d'aller mieux. Donc j'ai zappé complètement le procès, j'ai zappé complètement toutes les sanctions qui ont été prises. Je sais qu'il y a des responsables, je sais qu'ils ont pris, ils ont fait de la prison, ils ont eu des amendes incroyables. Je dis pas que ça suffit, mais je veux dire, bon, moi je suis passé à autre chose assez rapidement parce que je ne voulais pas, pour être très franc avec vous, je ne voulais pas en parler régulièrement et je ne voulais pas devenir ce qui est insupportable aux yeux des autres qui sont morts ou qui sont blessés gravement. Je voulais pas devenir un ancien combattant de Furiani. Donc c'est pour ça que j'ai toujours zappé, je veux dire, tout ce qui s'est passé après la catastrophe et que mon seul souci, c'était de guérir et d'essayer de retrouver, je veux dire, un semblant, en tous les cas, de forme et surtout une motivation qui n'a pas changé en ce qui concerne mon métier et surtout le football. Est-ce que vous êtes retourné à Furiani, Jacques ? Jamais. Voilà, la question, d'accord, c'est... Jamais, c'est jamais. C'est clair. Jamais. Cette demi-finale, elle n'a pas été rejouée, c'est ça ? Oui, elle n'a pas été rejouée. Et d'ailleurs, la finale de la 1992, quand vous regardez les palmarès officiels de la Fédération Française de Football, eh bien, c'est marqué non joué. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de vainqueur de la Coupe de France de 1992. Voilà, la finale n'a jamais été rejouée. Michel Platini, qui à l'époque faisait partie du comité exécutif de la Fédération Française de Football et qui était à l'époque sélectionneur, avait suggéré qu'il ne fallait pas jouer cette finale. Et il a bien fait en souvenir des 2300 blessés et surtout des 18 personnes qui ont disparu. Donc cette finale n'a jamais eu lieu et en plus le match entre Bastia et Marseille n'a pas été rejoué. Ça aurait été très indécent de refaire jouer ce match, je veux dire, dans un autre stade, et ça aurait été très indécent de jouer cette finale, c'était superflu. C'était peanuts par rapport à tout ce qui s'est passé de refaire cette finale. Toute dernière question, Jacques Vendroux, j'ai bien compris que vous n'étiez pas dans une logique de justicier, on demande justice contre des personnes, d'accord, mais quelquefois les enjeux du football sont disproportionnés. Par exemple, là, peut-être est-ce que c'est dû aussi à un match de football, on est en demi-finale. Alors, il y a des soupçons, mais il faut la jouer parce que c'est une demi-finale, parce qu'il y a de l'argent en jeu, parce qu'il y a... Enfin voilà, est-ce que quelquefois les... Bien sûr. C'est pas disproportionné quand même les enjeux du foot. Mais bien sûr que c'est complètement disproportionné, bien sûr. C'est complètement même surréaliste. Vous vous retrouvez quelquefois dans des situations invraisemblables parce que c'est un match de football. Alors en ce qui concerne Bastia, vous avez bien fait de le signaler. Je veux dire, à l'époque, Bastia était en Ligue 2. À l'époque, Bastia, elle n'est pas très bien sur le plan financier, il fallait absolument faire rentrer de l'argent le plus vite possible pour essayer d'éviter ce qu'on appelle un dépôt de bilan ou une situation, je veux dire, très grave pour le club de Bastia. Donc c'est vrai qu'avec le recul, avec 24 ans de recul, c'est vrai qu'ils ont fait n'importe quoi. C'est vrai. Et on va s'arrêter là, Jacques, vous connaissez les impératifs de la radio. Après l'heure, c'est plus l'heure. Merci infiniment, en tout cas, d'avoir témoigné pour Affaires Sensibles. Au revoir, Jacques, à bientôt. Bon rétablissement pour le FMU. Hein. Merci. Au revoir. C'est pas très grave. C'était Affaires Sensibles. Aujourd'hui, l'effondrement de la tribune de Furiani, émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, ce sera la fiction. Elle sera consacrée à Orson Welles et son immense canular qui avait fait paniquer toute l'Amérique.